Il ne me reste rien, rien que des souvenirs. Ta photo qui jaunit, toi qui ne reviens pas. Ma tête qui bourdonne à ne plus en finir. De ces nuits bien trop longues, je me meurs sans toi. Je sais ma vie, je l'ai ratée. Je sais ma vie, je l'ai gâchée. Mais laisse-moi au moins ma chance. Ma chance de tout recommencer. Ma chance de pouvoir te donner ce que tu attendais de moi. On se réveille un beau matin et on n'a plus envie de rien. On a perdu le goût de vivre. Alors on voudrait en finir. Il y a des jours on voudrait mourir. Quand on est seul à tout jamais. Et je reste tout seul avec mes souvenirs. Des photos, des objets qui me parlent de toi. Si quelquefois la nuit j'arrive à m'endormir, je rêve de ton corps, je rêve encore de toi. Je sais ma vie, je l'ai ratée. Je sais ma vie, je l'ai gâchée. Mais laisse-moi au moins ma chance. Ma chance de tout recommencer. Ma chance de pouvoir donner ce que tu attendais de moi. On se réveille un bon matin et on n'a plus envie de rien. On a perdu le goût de vivre. Alors on voudrait en finir. Il y a des jours on voudrait mourir. Quand on est seul à tout jamais. Bien sûr on veut changer de vie. Et puis on veut changer de ville. On cherche même une autre fille. Une fille qui te ressemblera. Qui fera l'amour comme toi. Une fille qui m'aimera. Mais je me fous du monde entier. Et je me fous des autres filles. J'attendrai bien que tu reviennes. Tu ne reviens pas bientôt. Je te jure, je me fais la peau. Tiens, voilà que je perds la tête. Ta la la la la la la la. Ta la la la la la la la. Ta la la la la la la la la.